Livre premier, chapitre 3. Monsieur le cardinal. Pauvre Gringoire, le fracas de tous les gros doubles pétards de la Saint-Jean, la décharge de 20 arquebuses à crocs, la détonation de cette fameuse serpentine de la tour de Billy, qui lors du siège de Paris, le dimanche 29 septembre 1465, tua 7 bourguignons d'un coup, l'explosion de toute la poudre à canon emmagasinée à la porte du temple, lui eût moins rudement déchiré les oreilles, en ce moment solennel et dramatique, que ce peu de paroles tombées de la bouche d'un huissier. « Son Éminence, Monseigneur le Cardinal de Bourbon !» Ce n'est pas que Pierre Gringoire craignit Monsieur le Cardinal, ou le dédaigna. Il n'avait ni cette faiblesse, ni cette outrecuidance. Véritable éclectique, comme on dirait aujourd'hui. Gringoire était de ces esprits élevés et fermes, modérés et calmes, qui savent toujours se tenir au milieu de tout, stare in dimidio rerum, et qui sont pleins de raison et de libérale philosophie, tout en faisant état des cardinaux. Race précieuse et jamais interrompue, de philosophes auxquels la sagesse, comme une autre Ariane, semble avoir donné une pelote de fil qu'ils s'en vont d'évident depuis le commencement du monde, à travers le labyrinthe des choses humaines. On les retrouve dans tous les temps, toujours les mêmes, c'est-à-dire toujours selon les temps. Et sans compter notre Pierre Gringoire, qui les représentait au XVe siècle, si nous parvenions à lui rendre l'illustration qu'il mérite, certainement c'est leur esprit qui animait le père Dubreuil lorsqu'il écrivait dans le XVIe ces paroles naïvement sublimes, dignes de tous les siècles. Je suis parisien de nation, et parisien de parler, puisque parisia en grec signifie liberté de parler, de laquelle j'ai usé, même énué, mes seigneurs les cardinaux, oncles et frères de monseigneur le prince de Conti, toutefois avec respect de leur grandeur et sans offenser personne de leur suite, qui est beaucoup. Il n'y avait donc ni haine du cardinal, ni dédain de sa présence, dans l'impression désagréable qu'elle fit à Pierre Gringoire. Bien au contraire, notre poète avait trop de bon sens et une souquenille trop râpée pour ne pas attacher un prix particulier à ce que mainte allusion de son prologue, et en particulier la glorification du dauphin, fils du lion de France, fut recueillie par une oreille éminentissime. Mais ce n'est pas l'intérêt qui domine dans la nature des poètes. Je suppose que l'entité du poète soit représentée par le nombre 10. Il est certain qu'un chimiste, en l'analysant et pharmacopolisant comme dit Rabelais, la trouverait composée d'une partie d'intérêt contre 9 parties d'amour-propre. Or, au moment où la porte s'était ouverte pour le cardinal, les 9 parties d'amour-propre de Gringoire, gonflées et tuméfiées au souffle de l'admiration populaire, étaient dans un état d'accroissement prodigieux sous lequel disparaissait, comme étouffée, cette imperceptible molécule d'intérêt que nous distinguions tout à l'heure dans la constitution des poètes. Ingrédient précieux du reste, l'est de réalité et d'humanité sans lequel il ne toucherait pas terre. Gringoire jouissait de sentir, de voir, de palper, pour ainsi dire, une assemblée entière. De marot, il est vrai, mais qu'importe. Stupéfié, pétrifié, et comme asphyxié devant les incommensurables tirades qui surgissaient à chaque instant de toutes les parties de son épithalame. J'affirme qu'il partageait lui-même la béatitude générale, et qu'au rebours de la fontaine qui, à la représentation de sa comédie du Florentin, demandait « Quel est le malotru qui a fait cette rhapsodie ?» Gringoire eût volontiers demandé à son voisin « De qui est ce chef-d'œuvre ?» On peut juger maintenant quel effet produisit sur lui la brusque et intempestive survenue du cardinal. Ce qu'il pouvait craindre ne se réalisa que trop. L'entrée de son éminence bouleversa l'auditoire. Toutes les têtes se tournèrent vers l'estrade. Ce fut à ne plus s'entendre. « Le cardinal ! Le cardinal !» répétèrent toutes les bouches. Le malheureux prologue resta court une seconde fois. Le cardinal s'arrêta un moment sur le seuil de l'estrade. Tandis qu'il promenait un regard assez indifférent sur l'auditoire, le tumulte redoublait. Chacun voulait le mieux voir. C'était à qui mettrait sa tête sur les épaules de son voisin. C'était en effet un haut personnage, et dont le spectacle valait bien toute autre comédie. Charles, cardinal de Bourbon, archevêque et comte de Lyon, primat des Gaules, était à la fois allié à Louis XI par son frère Pierre, seigneur de Beaujeu, qui avait épousé la fille aînée du roi, et allié à Charles le Téméraire par sa mère Agnès de Bourgogne. Or, le trait dominant, le trait caractéristique et distinct du caractère du primat des Gaules, c'était l'esprit de courtisan et la dévotion aux puissances. On peut juger les embarras sans nombre que lui avait valu cette double parenté et de tous les écueils temporels entre lesquels sa barque spirituelle avait dû louvoyer pour ne se briser ni à Louis ni à Charles, cette Charybde et cette Scylla qui avaient dévoré le duc de Nemours et le connétable de Saint-Paul. Grâce au ciel, il s'était assez bien tiré de la traversée et était arrivé à Rome sans encombre. Mais quoiqu'il fût au port, et précisément parce qu'il était au port, il ne se rappelait jamais sans inquiétude les chances diverses de sa vie politique, si longtemps alarmée et laborieuse. Aussi avait-il coutume de dire que l'année 1476 avait été pour lui noire et blanche, entendant par là qu'il avait perdu dans cette même année sa mère, la duchesse du Bourbonnais, et son cousin, le duc de Bourgogne, et qu'un deuil l'avait consolé de l'autre. Du reste, c'était un bon homme. Il menait joyeuse vie de cardinal, s'égayait volontiers avec du cru royal de Chalut, ne haïssait pas Richard de la Garmoise et Thomas la Saillarde, faisait l'aumône aux jolies filles plutôt qu'aux vieilles femmes, et pour toutes ces raisons, était fort agréable aux populaires de Paris. Il ne marchait qu'entouré d'une petite cour d'évêques et d'abbés de haute lignée, galant, grivois et faisant ripaille au besoin, et plus d'une fois les braves dévotes de Saint-Germain d'Auxerre, en passant le soir sous les fenêtres illuminées du logis de Bourbon, avaient été scandalisées d'entendre les mêmes voix qui leur avaient chanté vêpres dans la journée, psalmodier au bruit des vers le proverbe bachique de Benoît XII, ce pape qui avait ajouté une troisième couronne à la tiare, Bibamus papaliter. Ce fut sans doute cette popularité acquise à si juste titre qui le préserva à son entrée de tout mauvais accueil de la part de la cohue, si mécontente le moment d'auparavant, et fort peu disposée au respect d'un cardinal le jour même où elle allait élire un pape. Mais les Parisiens ont peu de rancune. Et puis, en faisant commencer la représentation d'autorité, les bons bourgeois l'avaient emporté sur le cardinal, et ce triomphe leur suffisait. D'ailleurs, M. le cardinal de Bourbon était bel homme. Il avait une fort belle robe rouge qu'il portait fort bien. C'est dire qu'il avait pour lui toutes les femmes, et par conséquent, la meilleure moitié de l'auditoire. Certainement, il y aurait injustice et mauvais goût à huer un cardinal pour s'être fait attendre au spectacle lorsqu'il est bel homme et qu'il porte bien sa robe rouge. Il entra donc, salua l'assistance avec un sourire héréditaire des grands pour le peuple, et se dirigea à pas lents vers son fauteuil de velours écarlate, en ayant l'air de songer à tout autre chose. Son cortège, ce que nous appellerions aujourd'hui son état-major d'évêques et d'abbés, fit irruption à sa suite dans l'estrade, non sans redoublement de tumulte et de curiosité au parterre. C'était à qui se les montrerait, se les nommerait, à qui en connaîtrait au moins un, qui, monsieur l'évêque de Marseille, à Laudé, si j'ai bonne mémoire, qui le primicier de Saint-Denis, qui Robert de l'Espinasse, abbé de Saint-Germain-des-Prés, ce frère libertin d'une maîtresse de Louis XI. Le tout avec force méprise et cacophonie. Quant aux écoliers, ils juraient. C'était leur jour, leur fête des fous, leur saturnale, l'orgie annuelle de la basoche et de l'école. Pas de turpitude qui ne fût de droit ce jour-là, et chose sacrée. Et puis, il y avait de folles commères dans la foule. Simone Quatre-Livres, Agnès Lagadine, Robine Pied-de-Boue. N'était-ce pas le moins qu'on pût jurer à son aise et maugréer un peu le nom de Dieu, un si beau jour, en si bonne compagnie de gens d'église et de filles de joie? Aussi ne s'en faisait-il faute, et au milieu du brouhaha, c'était un effrayant charivari de blasphèmes et d'énormités que celui de toutes ces langues échappées, langues de clercs et d'écoliers, contenues le reste de l'année par la crainte du fer chaud de Saint-Louis. Pauvre Saint-Louis, quelle nargue il lui faisait dans son propre palais de justice! Chacun d'eux, dans les nouveaux venus de l'estrade, avait pris à partie une soutane noire ou grise ou blanche ou violette. Quant à Johannes Frollo de Mulendino, en sa qualité de frère d'un archidiacre, c'était à la rouge qu'il s'était hardiment attaqué, et il chantait à tue-tête en fixant ses yeux effrontés sur le cardinal « Capare pletamero !» Tous ces détails, que nous mettons ici à nu pour l'édification du lecteur, étaient tellement couverts par la rumeur générale qu'ils s'y effaçaient avant d'arriver jusqu'à l'estrade réservée. D'ailleurs, le cardinal s'en fut peu ému, tant les libertés de ce jour-là étaient dans les mœurs. Il avait du reste, et sa mine en était toute préoccupée, un autre souci qui le suivait de près et qui entra presque en même temps que lui dans l'estrade. C'était l'ambassade de Flandre. Non qu'il fût profond politique et qu'il se fît une affaire des suites possibles du mariage de madame sa cousine, Marguerite de Bourgogne, avec monsieur son cousin, Charles Dauphin de Vienne. Combien durerait la bonne intelligence plâtrée du duc d'Autriche et du roi de France? Comment le roi d'Angleterre prendrait ce dédain de sa fille? Cela l'inquiétait peu, et il fêtait chaque soir le vin du cru royal de Chaillot, sans se douter que quelques flacons de ce même vin, un peu revu et corrigé, il est vrai, par le médecin Coictier, cordialement offert à Édouard IV par Louis XI, débarrasserait un beau matin Louis XI d'Édouard IV. La moult honorée ambassade de M. le duc d'Autriche n'apportait au cardinal aucun de ses soucis, mais elle l'importunait par un autre côté. Il était en effet un peu dur, et nous en avons déjà dit un mot à la deuxième page de ce livre, d'être obligé de faire fête et bon accueil, lui, Charles de Bourbon, à je ne sais quel bourgeois, lui, cardinal, à des échevins, lui, français, joyeux convive, à des flamands buveurs de bière, et cela en public. C'était là, certes, une des plus fastidieuses grimaces qu'il eût jamais faite pour le bon plaisir du roi. Il se tourna donc vers la porte et, de la meilleure grâce du monde, tant il s'y étudiait, quand l'huissier annonça d'une voix sonore « Messieurs les envoyés de Monsieur le duc d'Autriche !» Il est inutile de dire que la salle entière en fit autant. Alors arrivèrent deux par deux, avec une gravité qui faisait contraste au milieu du pétulant cortège ecclésiastique de Charles de Bourbon, les 48 ambassadeurs de Maximilien d'Autriche, ayant en tête révérend père en Dieu Jehan, abbé de Saint-Bertin, chancelier de la Toison d'Or, et Jacques de Goix, sieur d'Auby, au bailli de Gand. Il se fit dans l'assemblée un grand silence, accompagné de rires étouffés, pour écouter tous les noms saugrenus et toutes les qualifications bourgeoises que chacun de ces personnages transmettait imperturbablement à l'huissier, qui jetait ensuite les noms et qualités, pêle-mêle et tout estropié, à travers la foule. C'était maître Loïs Roloff, échevin de la ville de Louvain, messire Clé d'Estuelde, échevin de Bruxelles, messire Paul de Baeust, sieur de Voirmizel, président de Flandre, maître Jehan Collegens, bourgmestre de la ville d'Anvers, maître Georges de la Mouère, de la ville de Gand, maître Geldolf van der Hague, premier échevin des parchons de la dite ville, et le sieur Birbeck, et Jehan Pinoc, et Jehan d'Ismarzel, etc., etc., etc. Bailli, échevin, bourgmestre, bourgmestre, échevin, bailli, tout roide, gourmet, empesé, endimanché de velours et de damas, encapuchonné de cramignoles de velours noir à grosses houppes de fil d'or de Chypre, bonne tête flamande après tout, figure digne et sévère, de la famille de celle que Rembrandt fait saillir si forte et si grave sur le fond noir de sa ronde de nuit. Personnage qui portait tous écrits sur le front que Maximilien d'Autriche avait eu raison de se confier à plein, comme disait son manifeste, en leur sens, vaillance, expérience, loyauté et bonne prodomie. Un excepté pourtant, c'était un visage fin, intelligent, rusé, une espèce de museau de singe et de diplomate, au-devant duquel le cardinal fit trois pas et une profonde révérence, et qui ne s'appelait pourtant que Guillaume Rime, conseiller et pensionnaire de la ville de Gand. Peu de personnes savaient alors ce que c'était que Guillaume Rime, rare génie qui, dans un temps de révolution, eût paru avec éclat à la surface des événements, mais qui, au XVe siècle, était réduit aux caverneuses intrigues et à vivre dans les sapes, comme dit le duc de Saint-Simon. Du reste, il était apprécié du premier sapeur de l'Europe. Il machinait familièrement avec Louis XI et mettait souvent la main aux secrètes besognes du roi. Toute chose fort ignorée de cette foule qu'émerveillaient les politesses du cardinal à cette chétive figure de bailli flamand.